Même si ça vous fait sourire un peu. Lorsque j'ai peur ou je croise en Dieu. Quand je serai tout nu et tout froid, quel que soit le lieu ou l'endroit, avant de plonger dans la nuit. Bien sûr que je croirai en lui. Même si ça n'est pas vraiment celui que tous les prophètes ont promis, s'il ne ressemblait pas du tout à ce jeune homme blond et doux qu'un peuple a cloué sur la croix. Au fond, ça ne changerait rien pour moi. Avoir trop aimé le vin, sur tous les vins dorés du Rhin, les filles au sang chaud du midi, pour avoir juré et trahi, je suis un très mauvais chrétien. J'y crois lorsque j'en ai besoin. Quand on ne pourra plus rien pour moi, bien sûr que je croirai en toi.